jamais fidèle à son mari. Maman toi, maman ya bana. Na prefera nanga amour na yo, na la mwana ma kolingo kulie. Écoutez la ma tina mwana pinya, saki na mwana parisa na yo. Yoka ndenge patou de star de la favela. Aye beluyo aye mama. L'amour est mon élangaye. Makola basa mon élakanaye. Paris remontade. Lousole nyokolangaye. Lokola clématine nyokolakanaye. Kolingo na mana soye bate sokite nini. L'amour est mon élangaye. Lokola basa mon élakanaye. Lusole nyokola ngai, lokola clematina nyokola kana yego. Bolingo na mana soye bate soki peni. Stabilite ya papa le kube efanda epai na yo. Mama tu mama ya bana motema monene. Bolingo ya papa omona pasi tala lelo yo. Baluka batia zizani na kati boyo zikanga sanze efe ndambazani. Ah sanze efe mama nguli oza osi jento na kaso kyo zangi. Je pouvais resiste kwa midi. Je peux respirer et vivre en sécurité. Et en priorité selon ta fidélité. Amare nanga na yebi oza wanga mama. Banda mi moto atinanga na yo ndolinga na papa ya bana. Kanga mato ina miso pona bato likunya. Kanga mato ina miso boyo kabangote. Ezambi na ngai bashalu batikali na Sonia. Mama nguli oza oxygen pona nga soke zangi. Je pouvais resiste 3 minutes. Je peux respirer et vivre en sécurité. Et en priorité selon ta fidélité. Un amour sans fin, béni par la puissance divine. C'est comme ça. Bisous, Nyonso. Côté les matos, côté la piste, quoi.